Une dénonciation par Abel Hermand. Monsieur le procureur général, je viens d'échapper à un danger terrible, j'en frémis encore, mais je connais mon devoir, il ne faut pas songer qu'à soi. Je puis sauver la vie de 20 Françaises ou davantage, honnêtes filles comme moi. Je n'ai pas le droit d'hésiter. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer. Je mets bien l'honneur, quoique je n'aime guère ce métier-là. J'ai l'honneur de vous dénoncer le nommé Plantin, Georges Ernest, employé de commerce ou soi-disant tel, âgé d'environ 43 ans, qui semble avoir plusieurs domiciles, les uns à Paris, les autres dans la banlieue. Ceci, monsieur le procureur général, n'est-il pas déjà suspect, vu le prix des loyers et l'irrégularité des transports? Mais ce n'est pas mon affaire de raisonner sur des présomptions. D'ailleurs, j'y reviendrai en temps utile. Je veux, selon mon habitude, procéder par ordre. Il est donc temps que je me fasse connaître à vous, car vous pensez bien que je ne fais pas une dénonciation anonyme. C'est déjà beaucoup que je prenne sur moi d'en faire une. Je m'appelle aussi Plantin, Berthe de mon petit nom. Il est presque superflu de vous dire, monsieur le procureur général, que je n'ai aucun lien de parenté avec ce triste individu. C'est une pure coïncidence. Elle est extraordinaire. Elle ne m'a pas effrayé. Je n'ai aucune superstition. Elle m'a plutôt amusé. Je suis femme et si jeune, 23 ans, monsieur le procureur général. Je ne pense pas, malgré le rôle que j'assume, avoir lieu de vous fournir mon signalement. Je me vois cependant contrainte de vous dire, pour l'intelligence de ce qui va suivre, que je suis très jolie. Je n'en conçois aucune vanité. Je ne me suis point faite. Je plais à première vue. Ensuite, je retiens l'attention, mais plutôt par mes qualités morales et par la vivacité de mon esprit. Je suis issu de la meilleure bourgeoisie. Mes parents n'avaient malheureusement pas de fortune, mais ils me firent donner une excellente instruction secondaire, dont j'ose dire que j'ai bien profité. J'ai beaucoup de lectures, monsieur le procureur général. Je perdis coup sur coup mon père et ma chère maman dans les premiers mois de la guerre. Ils me laissèrent presque sans ressources. Je ne fis ni une ni deux, si j'ose m'exprimer aussi vulgairement. Je pensais que l'heure était venue de retrousser ma manche et de faire ma besogne, comme parle Victor Hugo, notre grand poète national. J'entrai dans une usine de munitions. Je confesse que je fis d'assez beaux bénéfices de guerre, et comme je n'imitais point mes camarades, qui jetaient l'argent par les fenêtres, s'achetaient des bijoux en vrai et se nourrissaient de poularde, je fis quelques économies. Ce préambule pourrait vous laisser croire que je suis féministe, monsieur le procureur général. Oui et non. J'estime qu'une femme doit se tirer d'affaire par ses propres moyens quand elle n'en a pas d'autres, mais qu'il est infiniment préférable de prendre un mari, si l'on peut, et de diviser le travail. Hélas, je n'ai presque pas de relations. Il me fallut donc recourir aux petites annonces. J'en fis paraître une, après l'avoir dûment fait viser par mon commissaire de police qui me connaît bien. Je reçus le soir même 22 réponses, la plupart indifférentes. Seule, vous l'avez déjà deviné, monsieur le procureur général, la réponse signée de mon homonyme m'intrigua. Je crus d'abord être victime d'un mystificateur qui avait percé mon incognito. Mais je ne pouvais m'arrêter à cette hypothèse. Mon annonce était trop bien rédigée. J'attribuai donc au hasard cette rencontre de nom et je répondis à la lettre de Plantin. Il m'avait donné rendez-vous à la gare Saint-Lazare dans la salle des pas perdus, sous une des horloges. Il devait porter un bras de muguet à la boutonnière et moi une rose à la main. Nous n'eûmes aucune peine à nous retrouver. À partir de là, les événements se précipitent. Je me pique d'être physionomiste et ne puis encore comprendre comment ce misérable m'a si aisément trompé. Vous lui auriez donné le bon Dieu sans confession. Il semblait convenable, un peu triste, et je fus surtout frappé de la douceur de son regard. Il était proprement, presque élégamment vêtu, et quand il me dit qu'il était employé de commerce, je ne pus me défendre de fredonner « Je vous croyais commis ». J'eus une voix agréable et une certaine drôlerie, aussi ai-je appris beaucoup de chansons. Je crus devoir aviser d'abord Plantin que je n'étais pas une aventurière, mais une honnête fille en quête d'un mari. Il me répondit poliment « Je le sais bien ». Si vous n'étiez pas une honnête fille, vous ne seriez pas ici. Je ne sais pourquoi cette réponse me parut charmante, car si vous voulez bien y réfléchir, monsieur le procureur général, elle n'offre à la pensée aucun sens raisonnable. Mais on ne discute pas les impressions. Plantin me dit alors qu'il m'avait donné rendez-vous à la gare Saint-Lazare, parce qu'il était propriétaire d'une villa sise au Bec, où nous pourrions passer la journée en tout bien tout honneur, causer un peu et faire plus ample connaissance. Évidemment, il y a beaucoup de braves gens qui demeurent au Bec, mais le nom de cette localité me rappela le crime affreux des Fénaroux. Je le connais par la complainte, que je sais par cœur. Vous n'avez certainement pas oublié comment se firent pincer les assassins. Ils avaient pris des billets d'aller et de retour pour eux-mêmes et un billet simple pour la victime. Je vous laisse à penser, monsieur le procureur général, quels furent mes sentiments quand je vis Plantin prendre un billet simple et un seul billet d'aller et retour. Je devins nerveuse. J'éprouvais un étrange malaise. J'essayais de le surmonter et de soutenir la conversation, plutôt d'en faire tous les frais. Car il m'avait dit « Nous causons ». Et il ne desserrait pas les dents. Pour une fois qu'il rompit le silence, il eut un mot malheureux. Pendant l'arrêt du train, à Rueil, il me dit « J'espère, mademoiselle, avoir plus de chance avec vous qu'avec les autres. J'ai déjà eu 7 fiancés, et je ne me suis pas marié une seule fois. »« Ah » m'écriai-je, au-dedans de moi-même, bien entendu. « Il n'y a plus de doute, il les a expédiés toutes les 7, et je vais y passer comme les autres. » J'étais plus morte que vive quand nous débarquâmes au Bec. Je dois dire que l'attitude de Plantin fut irréprochable, mais j'imputai sa réserve à une infâme hypocrisie. Avant de nous mettre à table, il me conduisit dans une chambre du premier étage où il me pria de déposer mon chapeau et mon ombrelle, et il poussa même sa feinte délicatesse jusqu'à m'y laisser seul quelques instants. « Mais, me dit-il avec un timide sourire, je vous en prie, ne touche à rien. Je suis très maniaque. J'ai horreur qu'on dérange mes petites affaires. » « Vous pensez bien, monsieur le procureur général, que je ne tiens aucun compte de cette recommandation. J'ouvris une armoire et j'y vis des nippes de femmes. Je me penchai vers le foyer, il était plein de cendres, en été. J'ai cru même apercevoir d'informes et minuscules ossements, qui étaient peut-être des débris humains. Affolé, je me précipitai dehors, je rejoignis Plantin. « Misérable !» lui criai-je. « Pourquoi n'as-tu pris qu'un billet d'aller-retour et un billet simple ?» Il parut décontenancé. « Le retour était pour vous, » dit-il en baissant la tête, « et le billet simple pour moi, je reste ici. » Telle fut son explication. Vous en conclurez ce que vous voudrez, monsieur le procureur général. Quant à moi, ma conviction est faite, et je ne rougis pas de signer cette lettre. Votre servante, Berthe Plantin. C'était une dénonciation par Abel Hermant.